10, 16, observation. Le temps qui passe. Présent duratif. Il y a que. Ça fait que. Ça, c'est moi, il y a 10 ans. Il y a 10 ans se réfère au passé. Observez. Il y a 3 jours qu'il pleut. Il y a 8 jours que nous sommes là. Ça fait 3 jours qu'il pleut. Ça fait 8 jours que nous sommes là. Il y a, ou ça fait, plus une indication de temps, plus que, plus un verbe au présent, indique une action qui s'étend sur le passé et qui dure encore au présent. Jour 1, il pleut. Jour 2, il pleut. Jour 3, il pleut. Ça fait 3 jours qu'il pleut.